Chapitre 21e, offensive. Le surlendemain, comme Delbon continuait pour son ami le récit des événements survenus depuis son arrivée au château du reliquaire, Bernard parut dans le studio. Il n'avait point voulu, malgré les objurgations de son maître, interrompre son service, et l'on ne se fut point douté qu'il eût été victime la veille d'un attentat, si une étroite bandelette de sparadrap n'eût ajouté à son visage un ornement imprévu. Il paraissait assez ému et ses doigts tremblaient en montrant une lettre qu'il tenait à la main. « Ah, monsieur, ah, monsieur! Eh bien, je viens de recevoir cette missive recommandée. Cela arrive à tout le monde. Que contient-elle qui te bouleverse ?»« Une invitation à quitter d'emblée le service de monsieur. » Elle t'est donc alors adressée par cette crapule de tape à bord. Elle mouche le pic de s'occuper une fois de plus de mes affaires et de ce qui se passe chez moi. Il m'écrit que monsieur n'ayant plus le droit de rester ici, je n'ai pas davantage celui d'y demeurer. Et il m'enjoint de vider les lieux sur le champ. Homéar intervint. Que te disais-je, Henri ? Le papier timbré va pleuvoir. Mais pour un juriste, ton notaire ne me paraît vraiment pas fort. Il devrait savoir qu'il y a loin d'une menace judiciaire à son exécution. Bernard, à mon sens, n'a pas à se soucier de ce commandement ridicule qu'il allume sa pipe. Une expression de contentement envahit le visage citerne à l'ordinaire du serviteur. Il s'empressa de commenter. « Alors monsieur me garde quand même ?» Delmon rit. « Oui, je te conserve comme des petits pois dans une boîte. » Le domestique jubilait. « Ah, comme je vais soigner monsieur et l'ami de monsieur, merci. » Homéara dit. « Refais-nous seulement une grillade comme hier soir. » Mes compliments à ce propos. Elle était juteuse à souhait. « Ah, je me surpasserai encore, avec la joie dans la poitrine. On réussit bien en cuisine. » Il faisait mine de s'en aller. Delmon le retint. Cependant, écoute, Bernard, puisqu'aussi bien l'occasion maintenant s'en présente, je voudrais que tu te disculpes de ce qui, je ne te le cache pas, risque de te rendre encore suspect à mes yeux, malgré ta défense héroïque de ma cheminée. Te souvient-il de l'entretien que tu as eu avec ce coquin de tape à bord dans la chapelle, sans te douter que des oreilles attentives l'enregistraient ? Bernard rougit et répondit, après quelque hésitation, que monsieur veuille me pardonner de ne pas m'expliquer tout de suite. Il comprendra sans doute plus tard, et bien des choses dans ma conduite lui paraîtront alors limpides. C'est possible. Sois donc. Certaines touffes de cheveux roux que tu serrais l'autre main dans ta main crispée m'inclinent fort à te rendre une confiance que je te marchandais. Pourtant, ce pourtant était gros encore de suspicion, et Bernard, qui le sentit, en parut triste. L'Irlandais intervint encore. J'ai l'habitude des hommes, Delbon. J'ai démasqué de faux amis. J'ai trouvé de sûrs alliés où je redoutais des espions. Crois-moi, le gaillard est sincère. Les apparences, en bien des cas, sont contre lui, je le concède. Mais je suis certain que les choses s'éclairciront en sa faveur, le moment venu. Delbon plaisanta. L'accusé est relâché, faute de preuves. À ce moment, une voix sonna dans la cage d'escalier. Il n'y a personne ? Oh là, quelqu'un ? Le domestique s'esquiva. Je vais voir, dit-il. Il revint la figure abêche, précédant un cérémonieux personnage, qui, sa serviette sous le bras, chapeau à la main, s'inclinait. « Monsieur Delbon, Delbon Henri. Henri Michel-Ange » fit-il. « C'est bien moi !» déclara l'ingénieur qui devait à feu son grand-père comme un symbole, ce parrainage illustre de l'architecte de la coupole de la basilique Saint-Pierre. Le survenant marqua alors la plus complète satisfaction, oubliant même qu'il convenait de renoncer dans l'exercice de ses fonctions aux petites faiblesses humaines. Il huma une prise de tabac qu'il tira d'une tabatière en écailles incrustées d'argent. Puis, ouvrant méthodiquement sa serviette, il en extraya une belle feuille de papier bleu timbré qu'il tendit à Delbon. Il expliqua. « Je viens, parlant à votre personne, comme il se doit, vous apporter copie valable de la sommation formelle. » Il s'interrompit pour décliner « moi, Nepomucène, Cugorgius, huissier audiencier près le tribunal civil de Besançon. » Puis il reprit. La sommation par laquelle maître Tapabord, mon client, vous enjoint au fin que de droit d'avoir acquitté la maison dite château du reliquaire pour infraction à une clause testamentaire résolutive, et ce dans un délai de 48 heures, à partir du moment où vous sera notifiée la présente par mes soins dévoués. Toujours pince sans rire, l'Irlandais eut une grimace bienveillante. Je devrais inciter monsieur à trinquer avec nous, Delbon. Il a dû prendre la pépie. Maître Cugorgius déclina l'offre. « Je vous remercie, sans vous être moins reconnaissant pour cela, mais ma charge même m'interdit d'accepter quoi que ce soit. J'ai des gens contre qui j'instrumente. » Et toujours digne, il s'en alla. Dès qu'il eut tourné les talons, Omiara fit observer. C'était à prévoir. Que comptes-tu faire ? L'ingénieur haussa les épaules. Attendre. L'Irlandais opina. C'est cela. Les mains fortes mais sales de la maréchaussée ne te jetteront pas dehors sans autre avertissement. Il faut que l'on puisse faire preuve de ton absence pour obtenir contre toi un arrêt d'expulsion. Et d'ici là, c'est bien le diable si nous n'avons pas découvert le secret de cette vieille bâtisse. Au fait, pourquoi ne pas s'y mettre dès aujourd'hui ? Entendu, accepta Delbon. Alors, en route pour les caves, en route. Les deux hommes se levaient ensemble quand Omiara s'inquiéta. Tu n'as pas négligé de mettre en réserve les morceaux du candélabre cassé ? Non, quoique ce soit bien inutile. Et pourquoi ? Parce que tu penses bien que je ne t'ai pas attendu pour examiner cette pièce étonnante d'orfèvrerie. J'en ai même tiré déjà une indication curieuse. Qui sait s'il n'y en a pas d'autres ? Improbable. Bon, deux paires d'yeux sont préférables à une seule. Sur cet entretien commença une exploration méthodique des souterrains, exploration qui se poursuivit les jours suivants et qui ne donna d'ailleurs aucun résultat. La maison paraissait avoir recouvré sa tranquillité. On n'y entendait plus la nuit de ses va-et-vient mystérieux et son silence n'était plus guère troublé que par les détonations du revolver avec lequel Omiara s'exerçait quotidiennement la cible pendant une heure. Or, un matin qu'il s'entraînait, Delbon, d'humeur moins tapageuse, laissait du haut de son balcon errer son regard sur le lac. Il le contemplait moins en peintre paysagiste, soucieux des tons, des lignes et des formes, qu'en amoureux, pour qui chaque coin recèle un précieux souvenir qui s'élève comme un oiseau avec un grand battement d'ailes. Sur cette nappe tranquille, il était apparu dans le ruissellement d'argent de la lune. Sous cette crique, il avait craint de l'avoir froissée d'un moment innocent. Dans ce bois de pin sombre et raie, si coquettement posé, mettait une tache de vermillon sur le verre assombri des arbres. Soudain, il tressaillit, douta de ce que lui révélaient ses yeux. Il alla prendre sa jumelle, la braqua. Maître Tapabor se promenait devant sa villa, ayant à son bras Simone Alix. Nous sommes d'autant plus spontanés dans nos sentiments extrêmes envers les individus qu'ils tiennent plus de place dans notre affection. En Delbon, ce fut une sorte d'écroulement. Il était anéanti, ne voulait plus croire en rien ni à personne. Et à cette grande détresse où il semble que l'on pleura jamais sur soi-même, succéda une rage folle, aveugle contre la jeune fille. Dans quelle monstrueuse machination n'entrait-elle pas dont il avait failli être la victime ? Elle l'avait joliment joué. Qu'il avait donc naïvement donné dans le piège tendu par elle en la suivant à Besançon. Et maintenant qu'elle était certaine de recueillir l'héritage, elle cessait sa comédie, ne craignait plus de se montrer ouvertement avec son complice. Il appela Omiara. « Il reste une cartouche dans le barillet. »« Je la brûle et je monte, » répondit celui-ci. « Qu'est-ce qu'il y a qui cloche ?» Une détonation claqua. Une exclamation satisfaite s'éleva. « Mouche !» Et l'Irlandais parut. Il se complimentait. « Pas mal, 5/6 en plein noir, mon vieux. » Mais déjà, lui mettant pour ainsi dire les jumelles de force entre les mains, Delbon imposait. « Regarde, regarde là-bas. » Son bras tendu indiquait la direction. L'Irlandais regarda placide. Delbon s'écria. « Que vois-tu ? Un homme et une femme qui se promènent. Lesquels ? Ce que nous avons vu à l'opéra un soir. Et cela ne t'indigne point. Pourquoi veux-tu que cela m'indigne ? Comment ? Es-tu au courant de ce qui s'est passé ici ?» En paroles hachées, nerveuses, comme emportées par une bourrasque, il cria sa suspicion, ses doutes, sa peine, son désir de renoncer à une lutte où sombraient ses plus chères illusions. L'Irlandais l'écouta muet jusqu'au bout. Quand il eut achevé, il déduisit. « Mon pauvre vieux, tu es un sacré ennemi. » Delbon protesta. « Un ennemi ? Tu ne trouves que ça à me dire. Un ennemi, je le sais, et même deux. » Omiara riposta froid. « Tu me déranges de mentir pour me montrer, quoi ? Deux personnes qui ont bien le droit de s'entretenir comme nous nous entretenons ? Je te le répète, mon garçon, tu es un fameux ennemi. » Delbon se crispa, tapa bord. « Et un autre ? Une autre, veux-tu dire ? Non, un autre. Mais qui ? Mais toi-même, parbleu ! » Il commenta avec flegme. « Dans ton état d'esprit, d'ailleurs, cela s'explique. Un amoureux ne garde pas le juste milieu, où il accable son idole sous les roses, où il s'acharne à la dépecer en morceaux. Écoute-moi. Pourquoi tirer des conclusions immédiates d'une rencontre peut-être fortuite ? D'une attitude familière, certes, mais qui n'implique d'ailleurs pas le consentement de la jeune fille. » Delbon ne savait pas quoi croire. Et puis le besoin d'espérer l'emporta sur les suspicions. Il avoua non sans réserve. « Tu as peut-être raison, au fait. »« Non, j'ai raison et pas peut-être. »